Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 25e épisode, nul autre que aucun co-animateur. Non, cette semaine on fait un épisode un peu spécial. Renaud ne pouvait pas se joindre à nous, mais on avait la chance d'avoir avec nous cette semaine Pascal Ménard, qui est probablement le joueur québécois le plus impressionnant en ce moment sur le circuit du Pro Tour. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. Donc, j'ai décidé de faire une entrevue avec Pascal, qui va nous parler un peu de son année 2015 et aussi de ce qu'il y a à venir pour lui. Donc, je vous laisse avec cette entrevue avec Pascal Ménard. J'espère que vous allez apprécier. OK, excellent. On est maintenant live sur YouTube devant zéro personne, Pascal. Je prends le temps de te remercier d'avoir accepté l'entrevue. Je sais que tu es dans un moment quand même de préparation pour le prochain Grand Prix qui est en fin de semaine à Toronto. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment gentil. Un plaisir. Écoute, Pascal, ça fait très longtemps que j'ai le goût de t'avoir à l'émission parce qu'on dirait qu'il arrive toujours quelque chose d'extraordinaire avec ta carrière. Je te suis, ben en fait, quand tu étais venu à Balado, déjà avec, c'était déjà en 2014, ou début 2015, puis tu avais déjà gagné, tu avais fait le top 8 du Grand Prix d'Ottawa. Puis après ça, l'année 2015 a été pour toi vraiment une année extraordinaire. En tout cas, de point de vue d'un fan de Magic, tu as vraiment connu une année tripante à suivre. Et il est arrivé tout plein d'événements que chaque fois, il faut qu'on parle à Pascal, Et là, ce qui est arrivé en fin de semaine, veux pas, avec le Pro Tour qui vient de passer, il y avait un grand changement qui avait été annoncé pour le statut des joueurs professionnels, puis j'avais vraiment le goût d'avoir un peu ton avis là-dessus. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, il y a encore eu des développements tout récemment, donc je pense que ça serait bon ensemble qu'on fasse un peu un portrait de ce qui t'est arrivé dans l'année 2015, principalement à Magic, pour en venir à parler ensuite là, du statut de pro, parce que vraiment, t'as été probablement un des joueurs qui a connu le plus de succès sur le circuit dans l'année 2015. En tout cas, de mon point de vue, tu as connu toute une année. Félicitations pour ça, d'ailleurs. Merci. Dans le fond, si tu me parlais un peu de ton année 2015, qu'est-ce qui a changé un peu pour toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2015 pour arriver dans une saison qui t'a connu autant de succès maintenant que l'année est passée? Puis en plus, ça continue en 2016 parce qu'on s'entend, tu as quand même fait le top 8 d'un Pro Tour en 2016. Donc, le momentum continue en 2016. À posteriori, comment tu es entré dans l'année 2015 puis comment t'expliques maintenant ton succès selon toi? En fond, pour donner un follow-up du dernier entrevue que tu m'as donné en 2014 à Ottawa, c'était un peu un genre de. Bref, ça allait pas super bien. Puis là, j'ai fait un peu d'Ottawa, ça m'a requalifié au Pro Tour. Puis là, évidemment, ça redonne le feu. Puis là, à partir de là, ils ont annoncé, dans le fond, Ottawa m'a qualifié pour Pro Tour Fate Reforge. Ouais. La semaine avant Pro Tour Fate Reforge, j'étais allé au GP au Mexique, qui est limité, parce que je trouve que c'est super facile les Grands Prix là-bas. Donc, ah ouais, ça, t'as beaucoup de succès en Amérique du Sud, on va en parler. Fait que je voulais y aller pour ça, puis c'est limité, mon format préféré. C'était Dragons of Tarkir, ça? C'était Fate Reforge. Fate Reforge, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour moi, avec Fate Reforge. Ouais. Là, j'ai gagné. Donc, ouais. Là, ça. Au Pro Tour d'après. Dans le fond, la Pro Tour, la semaine après, ils ont annoncé durant Day One du Pro Tour qu'il allait avoir une catégorie pour se qualifier au Worlds qui était le Grand Prix Master. C'est-à-dire la personne qui avait le plus de points du Grand Prix dans l'année. Puis j'étais. À ce moment-là, j'étais comme. J'avais fait. OK. Entre Ottawa et ce Grand Prix-là, j'avais fait top 8 à Omaha. Exact. Qui est un Grand Prix moderne, le Grand Prix de Treasure Cruise, dans le fond. Ouais. Puis, potentiellement un autre, mais je suis plus sûr. Je suis plus sûr de l'ordre. C'est Ottawa fin novembre 2014. Ensuite, Omaha début 2015. Ensuite, c'était Mexico. Okay. Ouais. Fait que là, dans le fond, vu que je n'ai gagné, ça me mettait dans un spot où j'étais comme dans. Fate Reforge, c'était le deuxième Pro Tour de l'année, donc on est comme au moitié de l'année à peu près. Ouais. Puis j'avais déjà vraiment beaucoup de points. Puis là, quand on sortait la liste des standings, j'étais comme deuxième dans la course. Solide. Fait que là, j'étais dans un spot où est-ce que essayer de pogner gold et platinum, c'était comme dans mon reach. Puis en plus, j'avais la course pour être qualifié au Worlds comme Grand Prix Master. Fait que j'avais un gros incentive de voyager beaucoup pour essayer de faire des points. Ouais. Donc, c'est à partir de là, j'étais comme super dedans, puis j'étais allé à Buenos Aires, j'étais allé... Ouais, c'est ça. Ben écoute, on va prendre le temps, on va les dérouler. Mexico City, tu gagnes, et ensuite, c'est Grand Prix Las Vegas, qui est en limité au mois de mai. Tu fais le top 8 encore, troisième. Ensuite, tu retournes en Amérique du Sud, Buenos Aires, c'est standard. Et là, tu joues, il me semble, c'est Abzan Megamorph, si ma mémoire est bonne. Et tu remportes le Grand Prix. Donc, dans l'année 2015, fin janvier, tu gagnes. Au mois de juin, tu gagnes. Entre-temps, tu fais top 8, troisième. À ce moment-là, c'est une bonne run. Là. Où est-ce que tu en es à ce moment-là dans ton plan de carrière? Où est-ce que tu en es à ce moment, à mi-année l'année passée? Si je peux me permettre d'ajouter, après, tout de suite, la semaine après Pro Tour Fête et Forge, il y avait un Grand Prix en Vancouver moderne où est-ce que j'ai perdu mon win and end pour top 8 contre le cheater Stéphane Speck qui s'est fait bannir. Ah, t'es-tu sérieux? Je savais même pas ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'aurais eu comme mon quatrième top 8 d'affilée. Puis il n'y a pas, a posteriori, ouais, c'est ça, ils peuvent rien faire dans le fond, ils peuvent pas tout pogner. En fait, pogner. À ce Grand Prix-là, il a fait top 8. Puis il y a à peu près comme 10 personnes différentes qui se sont fait dire que qui ont dit qu'ils s'étaient fait saut au 1 par ce gars-là. OK. Avec qui jouait Amulette Combo. Mm-hmm. C'est quelque chose que ça arrive, mais ça arrive à peu près une fois aux 150 games. Pas 10 fois dans le même tournoi. Ah non, c'est ça. Fait que là, au début, tout le monde était comme il est vraiment, vraiment chanceux. Là. Puis le monde, il se doutait peut-être tricher, mais il n'y avait pas vraiment de preuves tangibles. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'au pro tour d'après, il s'est fait pogner. Donc là, Wizard ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas se mettre à rembourser tout le monde qui a battu. Effectivement, ouais. Puis, mais c'est juste que toi, c'est plate parce que un top 8 de plus dans un Grand Prix, est-ce que ça représentait quelque chose? Ben évidemment, ça représente quelque chose, mais qu'est-ce que ça changerait techniquement si tu avais fait le top 8 de ce Grand Prix-là? Est-ce que tu sais? Ça, beaucoup. J'aurais été qualifié au Worlds. J'aurais pas fini deuxième dans la race. J'aurais été platinum. Ça valait beaucoup. Fait que ce gars-là, puis est-ce que... J'ai pas trop suivi son truc, mais est-ce qu'il a comme fait des excuses ou quoi que ce soit? Il est dans le déni. C'est un savage cheater. Là, je veux dire, il a pas adressé la parole à personne depuis. Puis... Wow. Il n'y a rien à dire. Là. Non, c'est ça. Il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment fou parce que ça rajoute, je trouve, une couche à ton histoire de cette année-là qui est complètement folle. Fait que dans le fond, manquer le top 8 par un tricheur, j'avoue que c'est vraiment heartbreaking, ça. Mais quand même, ensuite, il y avait Grand Prix Québec, puis tu as continué, puis gagner dans ta ville, faire le top 8 dans ta ville, ça devait quand même être un sentiment spécial. Là. Oui, vraiment, parce que c'est vraiment weird, je sais pas si c'est relié à quelque chose. Mais je fais juste bien dans les tournois quand je vais super loin. Genre, mes deux bons results de proto que j'avais, c'était au Japon. Tous les Grands Prix que je faisais bien, c'était genre en Amérique du Sud ou genre... à chaque fois que je prenne l'avion, bref, puis à chaque fois que j'avais un Grand Prix à Toronto, Québec, Montréal, ça allait toujours pas bien. Ouais. Ça faisait enfin bien faire, genre, un tournoi où, tu sais, mes amis pouvaient... venaient me voir, là, puis c'était à 2 minutes de chez eux, tu sais. Ouais, hein, c'est vraiment fou. Puis ça a été un super Grand Prix. Puis t'es allé te chercher, je pense, là, je sais pas, moi, j'avais l'impression que justement, ça a fait rayonner un peu le fait que t'es un joueur qui est dominant, là, tu sais, au sens où tu t'avais gagné 2 Grands Prix, t'as fait le top 8 au Grand Prix de Las Vegas, puis là, t'arrives, puis un autre top 8 de Grand Prix, là, tu deviens un joueur comme... À côté de qui on ne pouvait plus passer. T'sais. Puis une des preuves de ça, je pense, c'est quand il y a eu Pro Tour Atlanta. C'est Pro Tour Atlanta. Non, c'est l'autre d'après, en fait. Le dernier Pro Tour. Je mélange mes choses, mais le dernier Grand Prix, c'est-à-dire en limité, on t'a suivi. Parce que dans le fond, le dernier Grand Prix qui était limité Shadows over Innistrad, qui ont décidé de faire le coverage, c'est de suivre des joueurs en particulier. Puis tu étais un de ceux-là. Tu étais un des joueurs là, que l'équipe de Wizards ont suivi pendant tout le Grand Prix. Puis, tu sais, je pense que ça démontre le statut de joueur que t'as regagné ou que t'as gagné pendant l'année 2015. C'est assez incroyable. Notamment à cause, je pense, justement, de l'événement dont je voulais parler plus tôt, qui était le Pro Tour Atlanta, où là, t'as vraiment réussi à faire le top 8 d'un Pro Tour qui est comme un des plus grands achievements qu'on peut faire, je pense, à Magic. Là, c'est la grandeur des joueurs se mesure en top 8 de Pro Tour, je pense. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Comment tu pourrais nous parler de ton parcours à ce Pro Tour-là? Comment ça s'est déroulé pour te rendre là? Ben, même si j'ai toujours haï moderne comme un format de Pro Tour, pour plusieurs raisons qu'à peu près tous les pros disent, c'est que le problème, c'est que c'est super dur d'avoir un edge en deck building, si on veut, parce qu'il y a tellement de decks, c'est vraiment rare que tu peux faire un deck qui est juste meilleur que tous les autres. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important d'être capable de faire un Pro Tour, parce que tellement tout le monde est tellement bon que tu gagnes plus vraiment la game parce que tu es juste meilleur que ton adversaire. Fait que après, faut que la structure de ton mode permette une autre façon d'être meilleur que les autres. Puis c'est en deck building généralement. Ouais. Puis ben, modèle, ça ne permet pas ça généralement. Mais là, bon, c'est une différence parce que là, ce proto-là, finalement, il y avait un deck complètement broken qui était Eldrazi. Ouais. Mais c'est la première fois en moderne qu'il y avait quelque chose du genre là, où il y avait un deck qui était complètement broken. Mais là, bref, ils ont. Dans les annonces récentes, ils ont annoncé qu'il n'allait plus avoir de proto moderne. Ouais, c'est mais ça. Pour poser une question, En fait, comment t'en es venu à jouer Affinity, finalement, si je repose ma question différemment, justement, avant le Pro Tour, ils ont banni Splinter Twin, notamment, ça a ouvert la porte à des nouveaux decks, notamment le deck d'Eldrazi, que je ne sais pas si tu avais vu venir, mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené à vouloir jouer Affinity à ce tournoi-là, puis pourquoi tu penses que le deck t'a bien positionné? Ben, en fait, c'est surtout... La raison pourquoi moi, j'aimais personnellement les Pro Tours modernes et Extended, surtout, c'est que je peux jouer... Parce que ma faiblesse dans les Pro Tours, ça a toujours été que j'ai l'impression que je n'ai jamais un bon deck. Ou que je le joue mal, parce que je suis un joueur qui a besoin de beaucoup de préparation pour gagner. Bref, là, je suis pas comme... J'ai pas le skill naturel comme des joueurs comme... LSV, mettons. LSV, puis etc. Tu sais, puis ces gars-là, ils jouent à Magic comme des échecs. Là, genre... Ouais. Ils pourraient avoir jamais joué tel deck, puis ils vont figure out tout dans la même game. Je suis pas de même, ça me prend la préparation. Fait que pour un Pro Tour, mettons un Pro Tour standard, parce que tu amènes un nouveau deck, si j'ai juste joué une couple de jours avec avant, puis que je joue contre des decks que j'ai jamais joué contre, ça marche pas. Fait okay. qu'en moderne, puis Extended, ça a toujours été les Pro Tours que j'ai les meilleurs résultats, parce que je joue quelque chose que je connais. Okay. Puis bref, la raison pourquoi j'ai joué Affinity, c'est que j'étais avec Ricky Chen, qui est un autre Québécois. Ouais. J'étais avec, je playtestais avec lui, puis ce gars-là, c'était un super bon joueur d'Affinity. Mm-hmm. Je connaissais le deck. Puis j'avais aussi dans ma team East West Bowl, il y avait Alex Mangelton, qui est un des meilleurs joueurs d'Affinity sur la planète. Il joue ce deck-là, genre, à tous les jours. Mm-hmm. C'est pas une joke, là. Comme, ah ouais? Avant le FIP, il fait 2-8 man sur Magic Online. OK. Fait que. Lui jouer à Magic, c'est jouer. Ça, j'allais dire, lui jouer à Magic, c'est jouer Affinity, dans le fond. C'est... Ouais, c'est ça, exact. Genre, c'est arrivé plusieurs fois que ça fait à peu près 6 ans que le même deck d'Affinity, il riffle, shuffle tout ça, ses cartes, puis il s'est fait demander par un judge au proto, ben il s'est fait dire par un judge au proto qu'il allait être obligé de changer ses cartes au prochain tournoi. Ah ouais? Pas ses... Alors, ses cartes sont tellement scrap qu'il faut voir qu'il change ses cartes. Puis bref, je me sentais super confortable de jouer à Affinity parce que j'avais ces joueurs dans ma team, puis je me disais que j'allais avoir une bonne liste, puis j'étais quand même un joueur qui avait joué à Affinity auparavant. Mm-hmm. C'est un deck que j'aime beaucoup. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans notre team, on avait le deck de l'Est. Dont JC Tao qui a gagné le Pro Tour, c'est un gars dans notre team. Andrew Brown a fait le pick avec Eldrazi. On avait Blue Red d'Eldrazi. Puis j'ai décidé de pas jouer parce que je trouvais que le match-up contre Affinity était pas bon. Puis. C'était genre un peu un hit or miss. Personne n'était, même les gars qui avaient la liste de Eldrazi Colorless qui était complètement broken, ils n'étaient pas sûrs que c'était si bon que ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de match-up, c'est dur de tout tester. C'est dur d'avoir un sample size qui est assez gros parce qu'il y a tellement de match-up, tu peux pas jouer autant de games que tu voudrais. Non. Il n'y a personne qui était vraiment sûr que c'était si bon que ça, mais finalement ça l'était. Mais moi, j'hésitais un peu, puis j'aimais pas le match-up contre Affinity. Je me disais que l'Affinity, ça allait être super joué, puis ma liste d'Affinity était bonne dans le miroir. Donc, bref, c'est pour ça que j'ai joué Affinity, puis ça a super bien été, je veux dire, tu sais, je pense pas que je suis le meilleur joueur du Pro Tour, puis ça prend un peu de luck pour faire top 8, puis ouais. J'en ai eu, là, j'ai mock ça pas en main de départ beaucoup de fois, puis ça aide pas mal. Ah ouais, c'est clair. Puis ça, le top 8 du Pro Tour, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de joueur de Magic? Est-ce que tous tes bons résultats au Grand Prix avant étaient suffisants pour, mettons, avoir sécurisé un statut de joueur comme par exemple Gold, ou ton top 8 a vraiment comme tout changé? Qu'est-ce que ça représentait concrètement pour ta vie de joueur de Magic de faire ce top 8-là? Ben, l'année passée, j'ai pogné Gold avec seulement des résultats de Grand Prix. Genre, j'ai caché aucun des trois Pro Tours. Donc, mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux compter là-dessus. Là. Tu sais, je pense que c'était pas arrivé avant moi que quelqu'un fasse Gold avec juste des Grands Prix. C'est pas vraiment quelque chose que je peux espérer refaire. Là. Genre, à mener sur Run Good, puis tu peux pas juste compter là-dessus pour ouais. refaire la même chose. Mm-hmm. Mais oui, c'est sûr que faire Top 8, c'était huge. Là. C'était... Puis oui, ça, genre, dans ma tête, ça me prenait ce résultat-là pour être. Pour me compter parmi genre les grands joueurs de Magic des histoires, parce que mm-hmm. les Grands Prix, c'est pas assez. Là, moi, quand je suis dans un Grand Prix, j'ai l'impression que je gagne parce que mes adversaires font plus d'erreurs que moi. Ouais, je comprends. J'en fais un peu moins. Mm-hmm. Sur le Pro Tour, quand tu fais une erreur, tu perds la game. C'est simple de même. Là. C'est bien, bien rare que tu peux faire une erreur puis t'en sortir. Fait avoir fait un petit Pro Tour, c'était vraiment soulageant, mettons. Ouais, okay, fait que dans le fond, c'est presque. Pour... battre des mauvais joueurs. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas. Dans le fond, ce que tu me dis là, c'est que le top 8 du Pro Tour, ce qui t'a amené dans ta carrière, c'est vraiment une espèce d'auto-reconnaissance, puis de reconnaissance des autres comme OK, je fais partie de l'élite, là, vraiment. Tandis que pour ce qui est de ton statut de gold, il était déjà assuré avant. Puis ça, en termes d'invitation ou quoi que ce soit, ça n'aura pas changé grand-chose dans ta saison ou est-ce que c'est ça, dans le fond? Ben c'est sûr que le top 8 du Pro Tour, ben là, ça me donne. Ça me donne l'équivalent d'avoir gagné genre deux Grands Prix. OK. En termes de points. Ah ouais. Là, oui, ben là, ça m'a encore sécurisé Gold. OK. Pour le reste de l'année et l'année d'après. Mais ça me met aussi dans un super bon range pour pogner Platinum. Ah ouais, OK. Donc. Un peu comme l'année passée. Donc, cette année, tu pourrais viser devenir joueur Platinum. Puis ça va nous faire transitionner vers. Dans le fond, la nouvelle qui avait été annoncée pendant le Pro Tour Shadows Over Innistrad auquel tu as participé, tu as fait jour 2, c'est que le Wizards of the Coast a dans la mire de changer son programme de joueur professionnel, dans le fond, le statut qu'il accorde aux joueurs professionnels. En ce moment, il y a trois statuts, hein, c'est Silver, Gold puis Platinum. Et là, ils voulaient changer Platinum. Est-ce qu'ils ont parlé de toucher Gold ou non? C'est vraiment Platinum, hein, je pense. Ouais, c'était juste les bénéfices que Platinum allait avoir, dans le fond, qu'elle allait changer. OK. Puis toi, comme joueur, quand tu dis, OK, bon, mais là, je suis peut-être positionné pour aller chercher Platinum, qu'est-ce que ça représente pour un joueur comme toi de passer de Gold à Platinum? Qu'est-ce que ça change là, dans ta vie de joueur? Ça change rien dans le sens que, bon, tous les joueurs professionnels de Magic, leur but, c'est de jouer tous les Pro Tours parce que c'est le tournoi le plus prestigieux qui existe. Ouais. Puis, généralement, je serais content quand même d'être gold. Sauf que Platinum, ça représente vraiment. Tu es dans l'élite, tu es dans les 20 meilleurs joueurs au monde. Mm-hmm. Puis ça représente beaucoup d'argent aussi. C'est dans le fond, c'est que tu as la même chose que gold en termes de bénéfices, sauf que tu as en plus de ton billet d'avion payé, tu as l'hôtel payé. Okay. Puis tu as 3 000 $ par proto dans le fond. Dans le fond, même si tu finis, même si tu fais 0-10, c'est pas possible de faire 0-10, là, mais. Mettons que tu fais 0,5 grand parce que pour toi, tu vas quand même avoir 3 000 $ à chaque poteau, donc tu vas faire au moins 12 000 $ ton année. Okay. Ce qui est assez, tu sais, pour couvrir pas mal de tes coûts là, de voyager dans l'année. Ouais, ouais. C'est là que tu peux dire je vis de Magic. Tu sais. Mm-hmm. J'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin d'avoir un job pour me faire voyager à Magic. Ouais, c'est ça. Pour avoir une vie là, de. Quand même, la vie de Magic, on s'entend, là, c'est pas. C'est une vie de... Tu vis ta passion, puis tu peux voyager pour le faire, dans le fond. Puis si tu réussis à gagner, ben là, tu peux avoir une grande bourse, mais au moins, ça couvre les frais de base de voyager pour faire les gros tournois, puis devenir un joueur reconnu. Sauf que là, toi, au dernier Pro Tour, on vous annonce aux joueurs professionnels qu'il allait avoir un changement dans le statut de joueur Platinum. Ce changement-là, peut-être tu pourrais nous l'expliquer. Moi, je le comprends assez bien, mais j'aimerais ça que ça vienne de toi. Qu'est-ce qu'ils voulaient changer exactement? C'est que dans le fond, il y avait comme... évidemment, toujours dans le but d'essayer de promouvoir le jeu le plus possible, mm-hmm. Ils ont eu l'idée de prendre tout l'argent qui venait des appearances des Platinum. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, il y a à peu près 25 joueurs Platinum par année. Mm-hmm. Donc, c'est 25 fois 12 000. Ouais. C'est l'argent que ils ont pris cet argent-là, puis ils l'ont déplacé au World Championship, le tournoi dans l'année qui a 24 personnes invitées, ouais. Pour en faire un espèce de méga gros tournoi, où est-ce qu'il y a 100 000 au premier. Ouais. En ce moment, c'est 40 000 au premier. Fait que ça pourrait être l'équivalent d'un Pro Tour, mais à comme moins de personnes. Ouais. Puis là, leur but, c'était juste faire un tournoi avec comme un demi-million en prix total. Puis c'est sûr que ça va, ça promouvoit le joueur parce que c'est ça, tu gagnes le tournoi, puis bon, t'as beaucoup d'argent, là, mettons. C'est là. Ça. Ouais. Fais tes études, là. Ouais. Puis, dans le fond, c'était ça leur but. Sauf que le problème avec ça, c'est que les joueurs qui deviennent Platinum, ils s'assurent, comme j'ai dit, ils s'assurent d'avoir un revenu dans l'année, peu importe comment ça va. T'sais, même s'ils ont une année horrible où ce qu'ils gagnent pas, parce que le reste, il y a de l'avérance dans le jeu, ça arrive que le meilleur joueur au monde, des fois, dans l'année, ça va pas bien. Ben oui. Ça t'assure au moins que tu vas avoir ton argent. Ouais. Et que tu. Ben ça, tu vas pas faire banqueroute non plus à jouer à Magic, là, c'est ça. Si des joueurs qui représentent je pense à toi, à Winterwalt, à Reed Duke, si quand vous allez à un tournoi, vous pouvez être à moins 3000, moins 4000, c'est plus intéressant d'y aller. Là. C'est sûr que tu peux dire, OK, je peux gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, si en moyenne, tu perds de l'argent, à un moment donné, il n'y a plus d'incitatif tant que ça pour vous, les joueurs dominants, à vous présenter. Puis en quelque part, Wizards, moi en tout cas, comme fan de Magic qui écoute toujours le coverage, si j'ai plus ces joueurs-là, si j'ai plus les lignes de justement des joueurs dominants que je peux suivre, il manque quelque chose. C'est tout le temps des no-names, un peu des nouveaux joueurs. Mais c'est vrai pareil, des joueurs qu'on ne connaît pas, il y a moins d'histoires, c'est moins intéressant. Fait que, yeah. Donc, c'est important d'avoir une continuité dans les joueurs qui dominent. Donc, comme tu dis, ce 3000$-là vous permettait un peu de vous permettre d'aller à ces événements-là sans perdre d'argent finalement. Exact. Puis là, bon, on peut avoir l'argument que, tu sais, généralement, la plupart des joueurs Platinum se qualifient au Worlds. Mm-hmm. Puis là, avec leur nouvelle structure de demi-million en prix, si tu me dis dernier au Worlds, tu as 12 000 $, ce qui est exactement ce que tu aurais si tu étais Platinum. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que c'est pas exactement tous les Platinum qui se qualifiaient parce que vraiment, c'est 24 personnes qui qualifient. J'ai dit qu'il y avait à peu près 25 Platinum, mais dans les 24 qualifiés, généralement, c'est pas toutes des personnes Platinum. Non, c'est ça, là. Tu sais, ça rajoute un peu de variance au jeu. Ouais. Tu sais jamais avant la dernière minute si tu vas être qualifié au Worlds ou pas. Donc, ça rend. Désolé, je cherche tout le temps mes mots en français. Là, mais... ouais, c'est ça, parce que c'est ça, t'es toujours en anglais. Tu écris des articles en anglais, c'est bien correct, pas de stress. À Magic 101, là, moi, comme j'ai déjà dit, moi, je suis prof de français, mais quand je parle de Magic, là, c'est des LAN. C'est dur de rester. Je tape. Ah ouais, c'est ça, pas de trouble. Faites-en pas. Fait que bref, ça rend le salaire moins reliable. Ouais. Ouais. Ça a frustré beaucoup de joueurs parce que ben, y a des joueurs. Le problème avec leur annonce, c'est qu'ils ont annoncé ça comme que ça allait être effectif à partir de, comme si on veut, maintenant. C'est-à-dire que les gens que cette année ont été, mettons, à des grands prix super loin pour essayer de se ramasser Platinum, parce que ton statut Platinum, tu le gardes jusqu'à pendant comme l'année courante et l'année d'après. Ouais. Puis là, ben là, ces personnes-là ont dépensé, mettons, je sais pas, 5 000$ de billets d'avion. Puis là, c'est comme s'ils se faisaient enlever. Leur paycheck. Là, parce qu'il était j'ai dépensé 5 000$ pour mon platinum, mais c'est correct que je vais en gagner 12 000. Mm-hmm. Là, c'est comme s'il venait de dire non, mais finalement, tu n'auras pas ton 12 000. T'sais. Non, c'est ça. Puis là, il le remplaçait par. C'était assez ridicule. Là. C'était assez intense là, ce qu'il pensait faire. C'était de faire passer ça de 3 000$ à 250. Ouais, c'est ça. Tant qu'à ça, de. C'est une caisse de Pepsi, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport. Là. Ah ouais, OK. Fait. Mais là, c'est ça. Donc là, écoute, il y a eu un shitstorm, c'était fou raide. Là. J'ai lu les articles de Brian Kibler, John Finkel, Yuan Atanabe qui dit qu'il voulait juste arrêter de jouer à Magic. C'était vraiment, ça a été intense, puis vite à part ça. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est arrivé en dedans de. Ça a été annoncé samedi. Non, c'est pas vrai, ça a été annoncé dimanche matin, heure d'Europe. Ouais. Le dimanche toute la journée, lundi toute la journée, c'était le gros Twitter storm, Facebook storm, c'est comme ça. Ouais, vraiment. Il y a-t-il les joueurs qui disaient, bon, ben, d'autres, on arrête de promouvoir le jeu, on fait plus d'articles. Les joueurs ont quitté la Vintage League là, de Randy Buehler. Ouais. Quelque chose qui est un bafon comme un. une espèce de, d'émission Twitch de Magic, si on veut, de plein de pros de vintage. Promouvoir Magic parce que c'est sur le Twitch de Magic, puis les gars ont dit non, nous autres, on le fait pas cette semaine parce qu'on veut pas promouvoir pas de jeu, c'est complètement ridicule. Vous nous backstabbez. Puis, ben, je sais pas si t'étais rendu à dire ce qui s'est passé finalement. Ouais, ben, vas-y. Mardi, fait que, tu sais, à la défense de Wizards, le monde ont réagi, mais ils ont pas eu. Wizards n'a pas eu le temps de réagir eux-mêmes parce que là, tout le monde était comme. Ah, ça en trop transition vite. D'Europe à, pour revenir à Seattle au headquarter. Il n'y avait pas nécessairement l'opportunité de répondre. Puis là, ben, à matin, mardi, il y a eu une réponse instantanée. Puis on reverse le, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Fait que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est que la plupart des changements qui ont été annoncés vont rester, mais le plus gros, c'était ça. Puis ça, ils ont dit que finalement, ils allaient honorer ce qu'ils ont dit qu'ils allaient donner aux joueurs Platinum. Jusqu'à 2018. Ouais. Puis dans la prochaine année, il y a l'annoncé. Ils vont revoir leur concept puis voir s'ils n'ont pas de quoi de mieux à faire. Ouais, ça. C'est ça. Ils pourraient par contre, mais c'est ça, c'est qu'ils pourraient l'annoncer pour dire justement après ça, les joueurs qui vont vouloir avoir le statut platinum, voici ce que ça va donner. T'sais, au moins, tu t'embarques pas dans une course pour aller chercher le statut platinum sans savoir ce que tu vas avoir au bout. T'sais, rendu là après ça, si ce qu'ils offrent c'est intéressant, ben, tu pourras décider d'y aller, mais au moins, tu as. Tu sais dans quoi tu t'embarques parce que là, justement, un joueur comme toi qui avait un statut gold quand même bien avancé pour la saison, puis tu te dis, crème, je pourrais peut-être aller me chercher le platinum, puis tu as travaillé un peu en fonction de ça, puis là, tu arrives, puis tu te cognes, tu sais, wow, ok, j'ai-tu mis tout ce temps-là pour rien parce que là, je suis plus intéressé, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai personne justement à dire que s'il laissait ça de même, ça me servait absolument à rien d'aller à des grands prix super loin parce que là, je suis à gold. Fait que me rendre à platinum, ça sert à rien. Parce que ça me donne à peu près l'équivalent de 2000$. Fait que si ça me coûte 1500$ pour potentiellement gagner 2000, ça vaut pas la peine. Ben non, c'est sûr. Là. C'est clair que non. Là. C'est pas un investissement qui vaut la peine. Avec tout le temps et la préparation que ça demande, puis etc. Là. C'est vraiment. Ouais. Fait que ben, tant mieux. Je trouve que Wizards, par exemple, autant. Autant parfois, c'est ça, ils semblent prendre des décisions un peu rapidement. En tout cas, du même, ça ressemble à ça, mais. Ils sont quand même assez souvent à l'écoute des commentaires. C'est juste plate des fois qu'ils soient aussi up and down un peu. Là. Ils sortent des trucs qui reviennent en arrière. Mais... C'est surtout plate. C'est vraiment cool qu'ils écoutent et qu'ils sont capables de changer leur décision et d'admettre qu'ils sont wrong. Mais puis généralement, dans le passé, ça n'a pas été super grave. T'sais, ils essayaient des trucs puis là, c'est comme OK, ça ne marche pas, on va leur changer. Mais là, le problème, c'est que le fait. T'sais, on se demande elle vient de où cette décision-là. Là? Puis là, genre, c'est ça. Maintenant qu'on sait que vous êtes capable de faire ça, ça veut dire quoi pour le futur? Là? Genre, vous allez être encore capable de faire de quoi du genre? C'est ça. Puis c'est. On a comme perdu leur. Le lien de confiance un peu. Le lien de confiance, c'est ça. Mm-hmm. Fait que, mais dans l'article qu'ils ont écrit, c'est bien écrit qu'ils savent que en faisant ça, ils ont comme perdu notre confiance. Puis ça finit sur les lignes du genre. On va pas vous laisser. T'sais, comme, on va regagner votre confiance. On va prendre une version de votre confiance. Peut-être que ça veut dire qu'ils vont décider de mettre plus d'argent dans le circuit. Ouais. Ce qui serait cool, en espérant que ce soit ça. Ouais, c'est ça, parce que ce que ça a montré, en tout cas, moi, j'ai lu quelques articles, comme je disais, puis je pense qu'il y a un de Finkel ou c'est Kibler, je pense, qui écrivait que les bourses n'ont pas monté tant que ça depuis, mettons, 10 ans. Là. Il disait que la base des ventes semble avoir explosé, mais les prix en tant que tels, les bourses n'ont pas bougé tant que ça. Fait que c'était d'autant plus un peu malicieux d'aller chercher de l'argent dans les poches des joueurs quand on a l'impression comme fan de Magic que ça va assez bien, qu'il y a de plus en plus de gens au Grand Prix, que les événements sont pleins d'avance. Je veux dire, maintenant, des Grands Prix de plus de 2000 personnes, il y en a, là, c'est plus rare. Ça, c'est donc, on se dit que le jeu est en santé. Fait que c'est ça, c'était étonnant de dire. C'est comme si on dit, hey, on veut donner plus d'argent, mais on va prendre dans les poches des joueurs. Mais là, c'est comme, OK, c'est un peu étrange. Là, c'est, effectivement, ça faisait bizarre. Mais en même temps, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les autres e-sports, là, mais je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres entreprises qui ont un plan comme ça pour supporter les joueurs dominants. T'sais, j'ai vraiment aucune idée. Aussi, une compagnie comme, par exemple, Blizzard qui fait Hearthstone, que c'est vraiment juste, ça fonctionne juste par des méga bourses qui n'ont pas vraiment un programme pour supporter. Puis que les joueurs se supportent un peu plus par le fait que c'est plus viable pour un joueur, par exemple, de jouer à Hearthstone devant 30 000 personnes sur Twitch que tu sais à Magic, ceux qui ont le plus de personnes, c'est comme 1 500, 2 000. Moi, je suis une couple de joueurs. Puis une fois que tu es rendu à 2 000 personnes qui te regardent jouer à Magic, tu as pas mal, c'est beaucoup de gens. Là, c'est ouais. Ça. Fait que c'est, les revenus publicitaires pour Twitch pour un joueur de Magic sont beaucoup plus difficiles à aller chercher. Fait que je pense qu'un programme comme le programme pro est un peu plus nécessaire, moi, en tout cas à mon avis. Là. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, dans les autres esports, il y a juste. Il y a, vu que c'est joué, c'est diffusé sur Twitch super facilement, ben, c'est plus facile pour eux d'avoir des sponsors qui sont. Ben, exemple Red Bull ou peu importe, parce qu'ils ont tellement de visibilité que c'est, ça devient payant pour eux, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un club, un pro player club si on veut, parce que bon, les joueurs ils sont assez sponsorés pour avoir de l'argent, mais tandis qu'à Magic, les seuls sponsors, c'est quasiment tout juste des magasins de cartes, puis il n'y a tellement pas de visibilité que pour eux, ça ne vaut pas tant la peine de sponsorer. Donc, non, c'est ça. Parce que c'est nécessaire les parents à Magic. Exact, parce que le. Exact, parce que le. Un des problèmes, c'est que, le jeu MTGO, dans le fond, c'est pas un beau jeu à regarder. C'est aussi simple que ça. C'est comme, moi, regarder MTGO, c'est pas beau. T'sais, si je regarde, par exemple, d'autres jeux, j'en regarde plusieurs jeux, puis là, je prends Hearthstone comme exemple, c'est juste, c'est plus joli. T'sais, je regarde quelqu'un jouer, puis il y a des animations, puis c'est plus simple, puis c'est ça exactement. Tandis qu'à Magic, tu vois qu'il y a un dessin. Si tu connais pas le dessin, tu sauras pas ce que ça fait. C'est pas joli. Fait que tu veux pas, c'est plus difficile de créer un engouement autour d'un jeu qui esthétiquement est pas tant attirant. Ce qui attire les joueurs, c'est des joueurs qui connaissent souvent déjà le jeu. Puis moi, mettons, je connais la personne qui stream, je connais le jeu, puis je sais ce qui se passe. Fait que là, je peux le regarder. Mais quelqu'un qui sait pas ce qui se passe, il va pas arriver sur un channel de toi qui stream à Magic, mettons, pour faire hey, waouh, ça a l'air vraiment trippant ce jeu-là. Il n'y a pas cet effet-là en ce moment. Fait que, tu sais, Wizard, je pense, tant qu'ils n'auront pas une plateforme virtuelle super attrayante, ils ne pourront pas se permettre de ne pas avoir quelque chose pour supporter les joueurs parce que les joueurs ne peuvent pas se supporter autrement. C'est comme tu dis, tu sais, mettons Channel Fireball, Star City, il y a des limites à ce qu'ils peuvent donner aux joueurs. Là, à un moment donné, je pense que je ne sais pas exactement comment ils supportent les joueurs qui sont commandités, mais ça ne doit pas être énorme là, ce qu'ils peuvent donner comparativement à des joueurs justement qui sont supportés par Red Bull, comme tu disais. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais sinon, maintenant que Wizards a dit qu'il allait honorer ce qu'il avait annoncé au tout début, toi, pour le reste de ton année, là, en fin de semaine, comme on l'a dit, c'est Grand Prix Toronto, c'est standard. Est-ce que je peux me permettre de te demander un peu, sans trop te retenir longtemps, puis trop que tu dévoiles tes secrets, mais sans que tu me dises ce que tu vas jouer, mais plus de savoir qu'est-ce que tu vois comme étant la metagame la plus probable qui va être à Toronto, selon toi? Disons les 3-4 decks ou 2-3 decks que tu perçois qui sont les mieux, qui risquent d'être représentés. Évidemment, on sait que Band Company va être là, on se doute bien de ça, mais sinon, quel autre deck qui selon toi, va bien faire? Généralement, je joue toujours les Grands Prix après les protos, puis c'est toujours la même chose. Le monde, ils font seulement copier les decks du top 8. Okay. C'est aussi simple que ça. 80% du field, ça va être les decks du top 8. OK. Puis c'est toujours ça, ça changera jamais parce que bon, ça fait du sens, tout le monde regarde ça. Les gens ont gagné avec leur deck et qu'il n'y a pas aucune raison de penser qu'ils sont mauvais, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est une des premières fois en très longtemps que le deck qui a gagné le proto, je pense vraiment que c'était le meilleur deck du tournoi. Mm-hmm. Puis tu sais, comme mettons, ça en passait proche au dernier, le deck d'Eldrazi Colorless c'était clairement le meilleur deck du proto, puis c'est la version bleu-rouge qui a gagné seulement parce qu'il a joué 3 fois contre la version Colorless qui était comme un bon match-up, mais en général, le deck Colorless était meilleur. Ouais. Mais bref, tu sais, vu qu'il y a une portion draft dans le tournoi, ça veut pas le deck qui a gagné, ça veut pas nécessairement dire que c'était comme le meilleur deck du field. Puis à ce tournoi-là, c'était uncontested que la Green White Token, c'était le meilleur deck du tournoi, c'est le deck qui avait le plus haut win rate by far de tous les decks. Ouais. Puis est-ce que c'était parce que son match-up contre Coco était si bon ou bien c'est parce que c'est un deck all-around qui est excellent? Il n'y avait pas de bon match. Il n'y avait pas de mauvais match-up dans le tournoi. Point. Okay. Oui, le deck était désigné pour battre Coco puis White Winnie, les deux decks les plus expectés de la métropole. Mais le deck était aussi bon contre les decks qui étaient désignés. Les autres decks étaient désignés pour battre Ban Coco puis White Winnie, c'est-à-dire les decks de Languish. Ouais. Ben, le deck de Token est bon contre le deck de Languish aussi. Fait que c'était comme un méga super next level, là, genre de. Ouais, ouais, ouais. Son level 4, puis tout le monde était level 2 puis 3. Là. Yeah. Puis tu sais, même going forward, je sais même pas comment exactement battre ce deck-là. C'est juste tellement bon. Tu sais, oui, il y a Virulent Plague qui donne moins de moins d'autres tokens, mais il y a une moitié du deck qui n'a pas des tokens. Fait que s'il pige la moitié de son deck qui n'a pas de tokens, t'attends de rien faire. Ouais. Puis les cartes sont tellement bonnes. Tu sais, White Winnie, c'est un bon deck, mais c'est tellement linéaire que si tu veux le battre, tu peux le battre. Ouais, c'est ça. Ce deck-là, il est linéaire, mais toutes ses cartes sont bonnes. Fait que tu sais, même si tu hates sa curve, peu importe, ouais. Il va quand même gagner parce que ses cartes sont juste super bonnes. Fait que c'est le deck. Il va avoir beaucoup de gainois de tokens. Ouais. Ouais. Fait que si quelqu'un réussit à comme trouver un angle contre Green White Token, ça, puis que ce deck-là peut aussi faire la job contre Bent Coco puis White Winnie, ce serait ce deck-là qui serait probablement le mieux positionné. Autrement, Green White Token risque de encore bien faire selon toi au Grand Prix. Exact. Je pense que White Winnie, ça va être moins joué parce qu'évidemment, il n'y en a pas un top 8, mais ça va être, c'est un deck que ça va quand même être joué là, parce que c'est super. C'est quand même simple là, on va jouer. Ça vaut super cher à builder. Mm-hmm. C'est bon, là, même si ça n'a pas fait top 8, c'est un bon deck. Fait que je pense qu'il y a des decks qui peuvent slacker sur. Tous les gens qui s'inscrivaient au Pro Tour, là, basically, ils ne pouvaient pas. C'était stupide de jouer un deck qui allait perdre à White Winnie parce que c'est sûr que ça allait être un gros pourcentage du field. Mm-hmm. Là, je pense que tu peux jouer un deck qui se dit bon, ok, je bats plein de decks, mais je perds à White Winnie. Là, c'est plus raisonnable parce que je pense qu'on va en avoir beaucoup moins. T'sais. OK, ouais, c'est intéressant ça. C'est... Puis en ce moment, pour Grand Prix Toronto, c'est ton objectif. Ensuite, ton prochain gros événement, ça, est-ce que c'est Pro Tour Sydney ou il y a quelque chose entre les deux? Ah ben, j'ai des Grands Prix en oncle. Je vais à New York après Toronto. Je vais à Charlotte, qui est deux semaines après New York, qui est un Grand Prix moderne. Yeah. Peut-être au Costa Rica pour le Grand Prix standard, la semaine après Charlotte. Wow, fait que c'est vraiment hyper occupé. Ouais. Après ça, il faudrait checker mon calendrier. Là. Je pense qu'il y a Sydney éventuellement. Puis comment tu concilies ça, là, la vie de... Parce que est-ce que tu es toujours. Je sais que pendant un bout, tu étais associé à la boutique Donjon à Québec. C'est encore le cas? Ou non? Bon, ben, pour semi-répondre à la question, j'ai rien à concilier parce que je fais presque juste ça. OK. Mais oui, je travaille encore un peu au Donjon, mais je fais. Je m'occupe des logistiques, là, organiser les tournois, etc. Fait que je suis là à peu près 2 jours par semaine. Puis ça arrive des fois que j'ai pas le temps parce qu'il faut que je me pratique pour un tournoi. Puis yeah. Si je travaille, ben ça va. J'aurais aucun temps dans ma semaine pour me pratiquer. Mm-hmm. Fait que c'est ça, mais je travaille techniquement encore à peu près 15 heures par semaine. OK, wow. Fait que t'es vraiment sur le mode là, joueur professionnel, puis c'est vraiment ce qui t'occupe tout le temps. C'est vraiment, vraiment fou. T'es clairement un des seuls francophones probablement du Québec à vivre comme ça. Et quoi, sinon, au Québec, là, qui réside ici, Alexander Rain, est-ce qu'il est sur le même beat que toi un peu? Il me semble qu'il fait peut-être moins d'apparitions. Moins de Grand Prix. Oui, c'est ça. Il fait moins de Grand Prix, là, fait que il a un peu moins sur le beat intense, mais il l'a été, puis ça, c'est... Il a arrêté parce que c'est juste... C'est le fun, mais c'est intense, là. Oui, c'est ça, c'est demandant. Rester chez vous, là. Non, c'est clair. Puis là, mais ça veut dire que avec autant de Grands Prix, avec un Pro Tour à Sydney au mois d'août, ton but, c'est d'aller chercher Platinum. Oui, c'est ça ton but. Tu vises ça. Tu vises Platinum. Je vise ça. Platinum en premier, puis en deuxième, les Worlds. J'aimerais vraiment ça qualifier aux Worlds, évidemment. Débile. Puis, donc, pour te rendre à la qualification Worlds, donc c'est la qualification de cette année pour jouer pour le tournoi qui va être à la fin de l'année? C'est ça. Yep, ben, on va suivre ça avec grand intérêt. Dans le fond, on va revoir tes péripéties dans les prochains Grands Prix. Au Pro Tour Sydney aussi, puis en espérant pouvoir te voir au Worlds, avant de te laisser aller te pratiquer pour Grand Prix Toronto, Pascal, il y a des choses dont je voulais te parler, puis on fait des petites questions en rafale avant de se quitter, si ça te dérange pas. Excellent. Il y a plusieurs personnes dans la communauté Magic, peut-être à l'extérieur du Québec, qui ont mis un visage sur le nom Pascal Ménard avec Grand Prix Las Vegas, hein, on ne se le cachera pas, lors du fameux Pack 2, d'un draft de top 8 où tu as été pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire choisir entre une commune Burst Lightning et un foil de Tarmogoyf. Tu as parlé en long et en large, je pense, de cette histoire-là. Moi, j'avais lu un peu ce que tu avais écrit. Moi, les dernières choses que j'ai lues à ce sujet de ta pensée, c'était le fait que tu disais, tu sais, avec du recul, si j'avais eu, mettons, 20 minutes pour penser à ça, puis pouvoir en discuter avec des gens autour de moi, probablement que j'aurais pris la commune, mais que quand on donne tant de secondes pour penser que tout doit se faire là, ben, tu sais, je veux dire, un foil timer guy, c'est comme si on t'aveugle. Mais, sauf que, Ensuite, j'avais vu que tu avais mis la carte aux enchères, puis tu avais parlé, quand les montants montaient pas mal, de même partager les revenus de la carte avec un organisme, Gamers Helping Gamers, je ne suis pas sûr, en tout cas. Charité pour des jeunes joueurs de Magic, qui s'appelle des jeunes joueurs de Magic qui ont besoin de bourses pour aller aux études. Donc. OK, yeah. Puis je trouvais ça extraordinaire. C'est ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Je trouvais que ça montrait que tu avais, en quelque sorte, d'une certaine manière, fait le bon choix. Puis là, les enchères montaient beaucoup. Puis ensuite, j'ai vu comme passer que là-dedans, il y avait un peu du monde qui suivait ça puis qui faisait des fausses mises, finalement. Puis ça fait comme monter le prix. Puis ensuite, j'ai comme perdu le fil de ça. Puis c'est cette question-là qui m'intéressait. C'est comment ça s'est terminé, toute cette histoire-là? Cette carte-là, où est-ce qu'elle s'est rendue? Et sans savoir exactement le montant pour lequel ça s'est vendu, c'est pas tant que ça m'intéresse, mais est-ce que qu'est-ce qui s'est passé avec ces fausses mises-là et tout ça? Dans le fond, c'est que j'étais pas super. Ben, premièrement, j'avais jamais tant vendu sur eBay que ça dans ma vie. Fait que j'étais pas aware de ce qui pouvait se passer. Puis dans ma tête, moi, quelqu'un mettait un bid sur ma carte, ça voulait dire qu'il s'engageait à le payer. Ouais. Puis je suis sûr que beaucoup de monde pensait ça aussi. Ouais, moi, j'étais de ceux-là, ouais. La personne, ben, si elle paye pas, elle a un warning, puis il se passe rien. Genre, okay. Elle protège vraiment l'acheteur et non le vendeur. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça a monté à comme 20 000, puis là, ben, évidemment, je me suis rendu compte. Je me suis fait. Premièrement, il y a un gars d'eBay qui m'a contacté, parce que, bon, ben, évidemment, ça faisait beaucoup de publicité pour eBay, fait qu'il laissait du monde. Puis là, il m'a dit, OK, bon, la première chose que tu devrais faire, c'est envoyer des messages à les personnes qui font les plus gros bids pour t'assurer qu'ils sont. Qui n'ont pas de mal intention, etc. Évidemment, la première personne qui a bidé, le gars, il me répond du genre. Tu sais, je dis, bon, mon message, c'était du genre. Salut, t'es le IS bidder en ce moment. Est-ce que. De quelle façon tu voudrais posséder? Est-ce que tu veux que je t'envoie? Quand tu vas gagner, etc. Peu importe. Bonne chance. Et si tu peux me confirmer que t'es vraiment comme. Intéressé, c'est ça. Puis là, finalement, le gars me répond genre « Ah non, je suis juste niaisé. » Ah, pour vrai? Wow. Bon, fait que là, tu sais, je m'informe comment je fais pour enlever son bid, j'enlève son bid. Puis là, finalement, ben, je me rends compte qu'en voyant plein de messages, il y a du monde qui me répond pas, fait que je suis obligé d'enlever leur bid, puis là, ça finit plus. Puis là, ben, tu sais, ça devient dur à trouver quel qui est un bon bid, un mauvais bid. Il y avait des bons bids, dont un gars que je connais personnellement qui avait bidé 10 000, puis lui, il avait vraiment l'intention de payer 10 000, sauf que là, il y avait comme un peu peur qu'il y a du monde en dessous qui avait boosté le prix, qui était des fous. Fait que là, bref, j'ai décidé juste de annuler. Take down l'auction parce que ça s'en est un peu ridicule. Ouais. Puis là, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait un silent auction sur Facebook ou sur Twitter. Okay. C'est-à-dire que les gens m'envoient le prix qu'ils sont prêts à payer. Je dévoile pas ce que personne a bidé jusqu'à la fin, puis ça a duré, je pense, une semaine. Okay. J'en reçois des messages, puis finalement, ça ne me dérange pas de dire c'est combien j'ai vendu. Finalement, j'ai. Ben, en fait, pour redonner un hype à tout ça, parce qu'évidemment, le hype était comme parti un peu, puis je voulais pas le remettre sur les. Ce que j'ai décidé de faire, c'est quand je l'ai annoncé de faire une silent auction, j'ai dit que j'allais donner 75% de ce que j'allais avoir à la charité au lieu de 50%. OK, wow. Puis, là, c'est ça, ça s'est vendu 2000. OK. Je dirais pas le nom de la personne parce que je ne suis pas sûr s'il me. Donner le droit. Mais je l'ai vendu, c'est un Canadien, puis je l'ai vendu 2000, ben 1500 US là, qui était comme 2000 Canadiens. Okay. Fait que j'ai donné 1500 Canadiens à la charité. Ouais, c'est génial ça. Fait que dans le fond, c'est probablement plus raisonnable. En même temps, quand justement le gars qui voulait mettre 10 000, c'est ça ce qui est fou, c'est que tu dis. Faut que tu trouves la valeur de la carte, tu sais, c'est ça qui. Puis la valeur, c'est le marché qu'elle donne. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est dur de savoir qu'est-ce que ça vaut, ça, parce que c'était sans précédent. Dans le fond, c'est une carte unique, là. Puis ben, écoute, c'est vraiment, je pense, une note de ta part d'avoir fait les choix que tu as fait. Puis je pense que tu as bien géré la situation en bout de ligne, parce que c'était pas une situation facile à naviguer, là. Ça avait créé quand même un tollé, surtout auprès de tes pairs aussi, tu sais, des joueurs de ton entourage qui jugent la décision que tu prends. Faut que tu vives avec ça après, puis que, tu sais. Mais je pense qu'en général, tu as vraiment bien navigué avec ça. Je ne sais pas, toi, comment tu t'es senti après ça face à tes pairs? Est-ce que ça t'a pris du temps à t'en remettre? Ou ça... Ben, j'ai très bien compris ce que les personnes avaient comme réaction. Ben ouais. Pas vraiment quelqu'un qui est très offensé quand on juge que je fais comme play à Magic ou comme décision à Magic. Fait que j'ai jamais été... les personnes Owen, William Jensen, Reed Duke... C'était des amis, puis ça allait toujours, là, ça n'a rien changé. C'est comme. Tu sais, moi, quand. Si je, sais, j'aurais été le même genre de personne. Là. Si je vois quelqu'un faire un misplay on camera, je vais être la première personne à dire à mes amis, hey, il est juste crush, tu sais, peu importe. Ouais. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je veux dire. C'est une réaction, en le fond. C'est ça que c'est le fun, le jeu. Le jeu, c'est d'avoir parlé. On aime ça, parler du jeu, puis parler de. Il amène plein de conversations. Puis ça, c'était un autre choix qui était ouvert à la critique, puis j'étais ouvert à la critique. Yeah. C'est la meilleure attitude à avoir, sérieux, puis tant mieux, c'est ça qu'il faut. L'autre question que j'ai pour toi, c'est un peu... là, il va falloir que tu m'aides, là. Je pense que c'était... au Pro Tour, je pense. T'as tapé tes laines d'une certaine façon. Ouais, Frank Lepore. Dans mon win and end pour le top 8. Exactement. Puis, j'ai comme pas compris exactement ce qui s'est passé parce que là, il y a eu comme un Twitter storm. Ouais. Les gens, à cause. Ouais, c'est ça, un Twitch storm. Ça a été comme, t'as tapé tes lens, c'est comme si tu t'étais rendu compte que, oh shit, je suis pas sûr que si je tape mes lens de même, ça peut marcher. Puis là, tu voulais juste voir, est-ce que je suis comme lock-in avec mes lens ou je peux encore reprendre. Dans le fond, c'est. Moi, c'est le même, je l'ai compris, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puis je ne sais pas si tu es capable de préciser ou pas, mais ouais, fait que je te lance la question. Encore là, je comprends un peu les réactions des gens parce que, ben en fait, oui puis non. Je trouve ça stupide parce que vraiment, les gens n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé parce que c'est impossible de voir tout ce qui se passe, même si c'est filmé. Ouais, c'est ça. On n'entend pas tout ce qui se dit. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est que Frank Lepore m'a attaqué d'une façon. Puis moi, j'ai bloqué d'une façon où est-ce que si je top deckais. En fond, j'étais pas dans le mort, mais si je bloquais d'une façon, j'aimerais rester un out, puis c'était top decké Arbonne Ravageur. Mm-hmm. Si je top deckais Arbonne Ravageur, en bloquant de cette façon-là, je pouvais gagner en ayant 10 poisons exacts. Ouais. Puis là, j'ai pigé, puis j'ai pigé Cranel Painting. Puis là, dans ma tête, j'ai comme fait ah, c'est la même chose, c'est le même nombre de poisons. Mm-hmm. Puis là, je voulais comme pas le slow roller, fait que j'y ai juste comme montré. Mm-hmm. Puis là, lui, pour s'assurer, il a comme s'est mis à compter pour être sûr que c'était assez, tu sais. Ouais. Puis là, il fait comme, ben, je pense qu'il te manque un. Puis là, genre, je fais, ça se peut, là, je compte, je fais, ah, ouais, je pense que t'as raison. Fait que là, j'essaie de voir s'il n'y a pas une façon de faire un de plus, en activant genre un land de plus. Bref, en changeant la façon que je le fais. Ouais. Puis, mais le problème, c'est que tout ça, c'était comme pas clair à quel point c'était, tu sais, officiellement... Officiel fait, toi, c'est ça. Parce qu'à Magic, c'est ça, tu peux jouer avec tes lands, les reprendre, tu peux taper, détaper, tu sais, il y a une zone grise, là, où qu'est-ce que tu fais qui est que tu peux pas reprendre. Puis il y a des choses qu'une fois que c'est fait, la façon que tu le fais, il y a comme un consensus pour dire, OK, la façon que tu l'as fait, on s'entend que ça, c'est joué, là. Maintenant, il faut que tu te débrouilles avec ce que tu as. C'est surtout parce que la situation, c'était du genre, c'était... Tu sais, la raison pourquoi c'était dur de savoir qu'est-ce qui a été cassé ou pas, c'est que on faisait juste comme essayer de finir la game le plus vite possible, tu comprends, tu sais. Ouais. Parce que si j'étais prêt à le tuer ce tour-là, lui, il me tuait. Mm-hmm. Puis, fait que c'est pour ça que c'était comme pas vraiment relevant à quel point ce que je fais, c'est officiel ou pas, parce que si je gagne, je gagne, si je gagne pas, je suis mort, puis on s'en fout, tu sais, je meurs. Ouais, c'est ça. Là, moi, là, c'est arrivé, puis là, finalement, on compte, là, je me rends compte, tu sais, je pourrais pas gagner. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, tu sais, moi, j'avais comme mis mon plating en jeu, j'avais dit, mon plating est en jeu. Puis tu sais, je suis super visuel dans la vie, fait que ça m'aide d'essayer de mettre tous les trucs en jeu pour voir, au lieu de le garder à ma main puis essayer de figure out. Ouais. Fait que là, à un point, je fais comme, OK, là, je sais que je peux pas gagner. Mm-hmm. Fait que j'ai demandé au juge qui regardait une bonne partie de tout ça, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Peux-tu me dire qu'est-ce que j'ai le droit de reprendre ou pas rendu là? Oh ouais, mais c'est bien correct. Puis là, il me dit, OK, bon, ben, ton plating est clairement en jeu, t'as dit qu'il était en jeu, puis t'as tapé tes deux lands, puis t'es jamais comme détapé, fait que c'est correct. Puis là, le Hikmat Nexus, tu l'as comme avancé, tu l'as reculé, mais t'as payé un mana, puis ton mana, tu l'as pas détapé. Puis là, c'était ça que j'ai fait. Genre, j'ai dit, comme, t'es sûr? Parce que genre, j'étais pas sûr autant que ça, puis ça a changé quand même une bonne affaire parce que j'aurais peut-être été capable de bloquer et potentiellement tomber à 1 puis avoir un tour de plus. Ouais. Mais bon, tout ça, c'était pour gagner comme 1% puis peut-être gagner, mais genre, most likely non. Là. Ouais, mais bref, puis là, il m'a dit non, genre, je suis pas mal sûr, ton mode est activé, puis là, ben, je fais OK, c'est bon, je te l'ai demandé pour une raison. Ouais, c'est ça. Puis là, ça a pas mal fini là, puis là, c'est là que le monde. Sur Twitch, il pensait que j'essayais de mentir au jeu en disant que Je pense qu'il n'est pas activé. Il n'est pas activé. Mais ouais, mes mots, c'était pas genre, t'as pas raison, genre, je l'ai jamais activé. Ouais, ouais. Mes mots, c'était genre, t'es sûr? Parce que je n'étais vraiment pas sûr moi-même. Ouais, ouais. Ben, tu sais, puis honnêtement, moi, c'est une des choses que je trouve qu'à Magic, c'est pas évident tout le temps exactement parce qu'il faut vraiment caler comme, OK, j'active, je fais ça. Puis, tu sais, quand tu fais juste pointer les trucs, des fois, c'est pas clair pour l'autre ce qui est fait, ce qui est pas fait. C'est, la communication à Magic, c'est vraiment important. Puis, justement, dans une situation comme ça, quelque chose qui est bien banal peut avoir l'air d'être comme vouloir passer à côté des règles. Mais finalement, essentiellement, ce que tu voulais clarifier, c'est dans la situation, qu'est-ce qui est officiellement fait, puis qui est juste du fooling around un peu, là, dans le fond. Parce que t'as le droit, c'est ça qui est. T'as le droit quand même de. Imaginez, il y a des joueurs qui mettent des bloqueurs devant des créatures pour voir ce que ça ferait, ils reprennent, ils mettent ailleurs, ils reculent, ils ne sont pas sûrs. Il y a de la manipulation qui se fait sans officialiser. C'est ça qui n'est pas nécessairement évident. Fait que moi, c'est même que je le voyais puis je voulais te l'entendre dire. Okay, ben. La grosse raison aussi, c'est que généralement, quand on sait que c'est officiel, c'est quand tu passes une priorité. Et mon ouais. Il était à ta porte puis il n'y avait rien à jouer. Fait qu'il y avait, avoir la priorité, c'était irrelevant. C'est ça. J'avais jamais vraiment besoin de savoir, j'avais jamais besoin d'un hockey de sa part pour faire mes trucs. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Fait que ça compliquait la situation. All right. Ben écoute, merci Pascal d'avoir pris le temps de me jaser. Je trouve que ça met des choses en perspective pour les prochains Grands Prix Pro Tour. On va suivre ton ascension vers Platinum avec beaucoup d'intérêt. Puis on va être là sur Twitch pour dire go Pascal, go, c'est clair. Et ça fait plaisir, Guillaume. All right, salut. Salut.